بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المرسلين وهذه طريقة الفائزين أما بعد قال الشيخ الأكبر والولي الأشهر الشيخ الحاج عمر عليه رضوان البر في الفصل 25 من كتابه رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم وقد صح القيام والرقص في مجالس الذكر والسماع عن جماعة من أكابر الأئمة إلى آخره فوف لن يمون ci jotay bi yes wa qad deug deug sax werna xam nga fan la xamna fan okay wa qad deug deug sax werna al qiyam taxaw wa raqs akum pecc wa sama'u ak deglu manam deglu ay way ay son comme ni koy waxe wa yalla ñu yalla sam amin ya rab salaam taala yalla ñu sam amin la na war dal astaghfirullah na war lo astaghfirullah allah allah mu ne kon werna ñet yi lool waxon nañ ko taxaw ci jotay sikari war rat akum pet fi ma jale zikir ak ci jotay sikari wa sama ak deglu moy deglu sama an jamaatin dele ko ci mboro min akabir imati ci min akabir ci ponkal imati imam yi ponkal imam bi jere nañ ko ci ñom minhum bok na ci ñom sheikhul islam wa sultanul ulama sheikhul islam en fait nit bala ñu koy wax sheikhul islam du day man ben xam xam rek wala mu for ci beutu nit ñen ñi xamul ñu bari lu bari rek ñu nan ko cheikhul islam bir mi du lol cheikhul islam titre la bu reere buñu dello ci ginnaw deug la manam buñ xolé kiko ñëk utiliser nak ngir di togn manam ngir togn da don togn Abdullah ibn Ubay ibn Salul ra'sul muna moy njitu nafiqi mom da ka dan jeufandiko pour togn Seyna Bakar la ka dan wax la ben ah Cheikh Islam gis nga sen manam sen magatum l'islam bi manam paw islam bi manam lolou pour togn la mais amma Cheikhul Islam jeufandiko ko en tant que laqab manam titre bo xamantene ci xam xam lañ koy wax wala yoy non lolou laqab la bu bu jar buñu jëfëndiko té buñu délo wa dans le passé kiko ñëkk ki ñëkk gis né mom moko ñëkk wax diko jëme ci nit imam ahmad da imam ahmad ibn hanbal rahimahullah mom moko don wax imam ahmad ibn yusuf yunus ahmad ibn yunus min rijal sahihayn mom ci d'ailleurs ci ñaar borom ñaar sahih dañu solo haditham ahmad ibn yunus wala mom dañ ko rande ko wax rahimahullah manam mom la ñëkki tud wax ni koku cheikhul islam manam baat bobu nak buñ xolé li tax ñukoy mëna jox nit jox ko titre bi ni ko cheikhul islam day fekk mu mëna nek ko xamne day ay ci domaine yu bari en même temps ci bir sharia bi ak haqqa fok par exemple ñu gis ko par exemple bu ay aqida ilmul kalam for ci lool ñu dem ci fiqh gis ko mu ay ci ñu dem ci usul gis ko mu takki ci ñu dem ci tasawuf gis ko mu ay ci ñu dem ci tafsir gis mu ay ñu dem ci hadith gis ko mu ay ñu dem ci xam xamu lughay gis ko mu ay ci wa moy voilà yu nekk ci bir moy balagha voilà ak xam xam yu nekk seen bir moy ay maam ok bayan ñooñ xam xam yoy da ngay koy deg rek wa ci bir gis mu ay ci lolu ñu gis ko manam mu ayti wala bok ayando ci nak mom day xawa jafé mais souvent day ay ci yenn yi lol yi ci dess mu xam ko xam go xamantene mën na manam dana ko mëna jangalé même bu fekkentene xeyna melul ci comme par exemple ñu gis ko ci tafsir ci hadith ci fiqh ci usul mu ay ci lol mais par exemple buñ démé ci nahwu bayan yoy non da ngay gis ayu ci torop mais mën nako jangalé comprendre voilà ñu gis ko tam par exemple ñu gis ko mu ag daraje imam par exemple ci ci ilmul kalam ci fiqh ci usul mais par exemple tafsir bi dess wala hadith bi dess mais mën nako jangale tout dogal yoy nonu motax ñu wax manam dal il faut dal mu réunir xétu xam xam yi yi sharia yi tasawuf tamit il faut mu am lum ci mën de faire sorte que da ci ragne ko tamit da ci dakoy xam xam bu woor dal tasawuf même bu fekente ne xeyna ayu ci yenn ay mais dana ko man dana ci xam lo xamne dal dina ci am un niveau moyen dal ba wa dana ko mëna wax cheikhul islam mais nak bu ci ayé lol lol fep ci fep mu ay ci lol mom koku mu upp na sax cheikhul islam koku lu ku magal ko lol lu rara la koku ay siècle mëna romb te du am waaw mais par contre manam damen bolal mu takay sax waaw par contre nak bu fekkante ne domaine yu bare bare en même temps daf ci ay mën nañ ko wax cheikhul islam wa sultanul ulama kili kilife borom xam xam yi moy cheikhul islam moy kilife borom xam xam yi ku reuy ku mag nga xamne ñepp deppoo nañ ci magayam ci xam xamam ci reeyam ci kayawayam Izzuddin ibn Abd Salam moy Izzuddin ibn Abd Salam moy sultanul ulama rahimahullah rahma yalla rahmatullah yalla yermandek yalla taala ci kaw ja ala yalla nek ci mom señ bi ke kan la mom Izzuddin ibn Abd Salam rahimahullah kenn da ci borom xoxu yu gëna mak de tous les temps d'ailleurs sax motax ñukoy wax sultanul ulama manam kilifa yi borom xoxu bi Izzuddin ibn Abd Salam nak mom cherif la de no yakarumako d'accord mom nak bindul ay téré yu bari bindul ay téré yu bari mais ay talibim ñoo mag de telle sorte que xam xamam lool mom motax mu siiw mu tassaro voilà embarqué quoi voilà de telle sorte que dañuy transmettre ay waxam ay jëfëm ay et cetera deng ay fatwa yu mu def ay laaj yuñ ko laaj tontu mu tontu ci ak yu mel non yoy duñu siiw parce que mom dafa reuyon dafa xamone bu bare bare bi jangale rek bi jangale de telle sorte legui dafa mujjé siiw nek référence bu mak ci bir siècle yi mom ak al-hafiz ibn daqiqul ayn ñox ñoo nuru rahmatullahi alayhi ñom ñaar liñ bindu bari wu ay téré bobu ay ben ñet ay ñet téré ñent téré yoyer biñ bind bari woon té pourtant dañu siiw si way gu jéggi dayo gu tassaro go xam tane ñepp dañu depp ci seenu magay lolu manam xéet la façon la choix la ci borom xam xam ndax borom xam xam rahmatullahi alayhim dañu dafa am ño xam dañu choisir di jangale ñun dañuy jangale parce que bon am en fait dafa am ñoo xam dañuy choisir bind parce que dañ japp ne bind moy dess donc ñom bind mom day dess té wa jamu seen wa jamono ak jamono yenen yi ñew dinañ ci mëna jarignu parce que yitté borom xam xam objectifum ci le fait que muy transmettre xam xam bi lén kessé la moy ana li nek ci deunum mom ci xéeti xam xam nan lay def ba def ko ci ñeneen ñi li moy objectifum bu doon doy mëna euf xam xam yépp duggé ci deun bi duggu ci nit ñi mom da koy def lool lay def ko mais xam nga affaire bi domaine bu doon yéene rek la kon non lay doxal ha mais day set ban moyen lay utiliser pour au moins mom xam xam bi nek ci deunam nan lay def ba transmettre ko ñeneen mom lool moy objectifum ci bir lool nak borox xam yi wouté seen soobu way rahmatullah wouté soobu way nan lañuy def comment il faut arriver à ce à cet objectif là à ce but voilà à cette finalité voilà nan lañuy atteindre objectif bob légi am ci ñom ño xamantene dañuy dem ñom dañuy jangalé dañuy samp dara di jangalé kess comme ñom comme ñu bari borom ko yu bari lool lañ choisir presque ñu ci upp am nak ño xamantene tamit peut-être que choisir nañ lenen mais seen tire yi xeyna yalla dafa def dal melul manam tasarou bon ñom donc ñu jangale wala ñu gis ne peut-être ñom mënu ñu bind parce que lay am wala seenu bind xeyna du yegg fenn yenn niveau yi wala yoy amuñu niveau bu carré ci mbir pour bind niveau yu carré pour bind wala bok buñu bëggé bind xeyna liñu bind japp nañ ni kenn duko lire nañ jangale mo gëna woor mo gën ñu jangale d'accord kon ku nek da ngay jël sa voix voilà am ño xamanteni dañuy jangale kon parce que dañ japp ni jangale bi mo gën am ño xamanteni dañ japp ni bind mo gën ñi nga xamanteni ñom dañuy bind lu bari di bind lu bari buñu xolé cour histoire par contre ñoñu la histoire di gëna retenir comme ñom su yoti parce que ba nga ne ki ko magla man sama xel li ma ñëk xalaat moy lutax imam as-suyuti rahmatullah alayhi radiyallahu anhu siw nonu te mom imam bu tedd bi siwewul ni te voilà imaginer mom bu doon bind comme ni suyuti doon bind rahmatullah xeyna tamit du former ay nit comme non du former ay nit donc méthode yi duñu ben voilà objectif yi duñu ben mais comme genre ñom suite ak ñen ñu bari hein rahmatullah dañoo tamu di bind ñom dañuy bind recopier manam bind bayyi fi nit ñi seen jamono dinañ ko mëna lire yeneen génération yi di ñew dinañ ko mëna lire jarñu ci seen xam xam donc lool moy premier objectif premier méthode bi am ño xamantene dañoo tamu di jangalé parce que dañ japp né boy jangalé ay yow ay nit ngay formé té sawa époque ngay formé té sawa époque ñom da nañ mëna formé benen époque bi ba paré soy jàngalé mëna nga jàngal ñu bari ño xamantene après ñom dinañ bind après ñom ci dinañ bind té sa aussi voilà mais au moins nga formé d'abord urgence bi mi ngi ci mo ma formé ay nit d'abord légui nit bobu ñoon dinañ formé yenen génération yi té ci seen biir ñi may formé dina am ñu bind avoir de bons élèves, voilà. Compter sur les élèves de ces bons élèves, voilà. Peut-être que voilà, bok sur ces bons élèves, tu vois, voilà. Nous sommes bien terrés, voilà. Voilà la génération qui viendra après, voilà. Comprendre. Amener nos enfants dans une boîte à nyarni, dans une jungle de bind, dans une jungle de bind. Bon, maintenant, nous mougen, tu comment mon boîte, comme nous n'avons ni Ibn Hajar, nyonyu, rahmatullah alayhi, nyonyu, c'est maintenant mougen. Parce que dañuy former ay nit ño xamantene ay ngeunk ay ponkal lañuy doon en même temps dañuy bind pour génération yi di ñew pour sen génération ak génération yi di ñew donc boole ñaar yi mo gën d'accord comprendre légui nak yalla ko yalla defal amin légui nak jamono yi nga xamantene fi ñu jadd fi ci ben problème bu important intéressant parce que ñun suñu génération dafa melni xam jariñul dara luddul li tax usul ñuy jang ay usul hadith ñuy teural ay règles fiqh mu am ay qawaid ay règles fiqh yu mag etc moy pour nit ñi su jamono ñëwé bëss ci ñom ñu xam ana nan lañuy doxale di bañ rek di yam ci antiquité wala wa moyen âge lañ nekki won rek d'accord di mëna def raisonnement voilà il faut que ngay voilà faut que ngay mën di xol sa jamono lu mu laaj légui da ngay gis ku nan la non xam nga di jangé ay alwa lolu mo gën mo upp lèr keuyit bi mo upp lèr que ordinateur et cetera boko laajé fan la ko tek deug la dinañ dégg ñenn ñi wax ko wala yenn nit ñu respectable ay nit ñu bax rahmatullah alayhim wax ko wala yoy wala di jang autour de tak tak lèr ga ci nek nekul ci électricité bi ak yoy mais wax joju mo ak ku ko mëna wax yalla nako yalla yërum wax ji matna bayi xel matna xolat lu mata xolat la c'est discutable très discutable non mais c'est vrai parce que il faut que non quand même essentiel bi lan la lan moy essentiel bi xam xam bi moy xam xam bi moy bi may set moy nan lay def bu mu joggi ci sama deun man dem ci ñi ki dess lool moy objectif bi non très bien légui ma bindu ko ci allo ak ma bindu ko ci keuyit man ma lire ko mi ngi ni ci keuyit bi lire nako dugg na ci sama xol téy nako ak ki nga xamantene ci allo wala ko lire wala ci keuyit lako lire wala ci ordinateur lako lire la ban différence la outil bi amul importance légui nak mën nga ne ma way parce que bé dafa naturel bi naturelul mais lan mo ci naturel ci yoy parce que lepp ci nature bi la jogé effectivement assemblage la bo xamanteni lepp ci nature bi la jogé té yalla moñ ko tagatala assemblage dañu différent rek exactement façon niñu assembler affaire façon niñu défaré ambir yi ñoo wuté mais lepp ci nature bi la jogé légui lan moy différence bi y a pas de différence fondamentale exactement kon légui donc l'outil importe peu mais vraiment l'outil importe peu objectif borom xoxam yi motax xam nga borom xoxam mënon na né non damay jangalé parce que ñu bari ci ñom buñu ñewon dañuy jangalé duñu bind parce que jangalé bi rek mo upp doole est ce xam nga avant bu ñëk ba da ñu bind yentou bi sallallahu alayhi wasallam da lu wax sahaba yi ni pour ñu bind avant sax amna hadith bu ne sahih imam muslim daf doon wax ne la taktubu anni si wal qur'ani bu leen bind ci man loolu al qur'an lol avant parce que dafa don bañu jaxasse alcorane ak yoyu et cetera voilà bu kay topone lolou non avant nan waw non legui comme que jamono joju tamit danaka dan téré té xoluñu objectif bi tax yentou bi sallalahu alayhi wasallam don téré ñu bind xoluñu ko ñu xol rek bind mi ci bopam kon xam xam bi ba tay nax say na yag kay yag parce que li tax ñu mëna téy xam xam yi diko téy ba légui ni moy téri même buñ waxé ni xam xam ci deñu nit ñi lay nek lool attention lool téki lool limi téki moy xam xam yi nga xamantene le fait que bu nekké ci deñu nit ki dako day mëna doxanto ak mom sa suné parce que lima xam téy ko mu nek ak man xam nga tay mënuma sa yo sa fuma mënti dem rek ñu laaj ma ben laaj rek mané xaarama dem ci téré bi xolé ji ko baxam duma man lol di yarul wax ni imam malik day wax nek wa yarul wax ni xam xam day and nit ki wala non imam shafi imam radiyallahu ala mom ci mom wa elmi ma'i haythuma yamumtu yaqba'uni qalbi wa'aqulluhu la jawfa funduqi in kuntu fil bayt kana ilmu fihi ma'i aw kuntu fi suq kana ilmu fi suq ma sha Allah wa nan bobu lol la xam mom mais xam xam non lay mel da ngay mokal di té mais le fait que ñukoy transmettre de génération en génération dana passer ci jang ci wax nga dégg mais day passer ci téré ci mbind mi ci les écrits aussi ah oui les écrits reste exactement ñom ñoy dess ñom ñoy dess donc buñu topone ñu ñëk ni buñu topone logique bele kon duñ bind té buñ bindul téré day rir xam xam bi day rir liñ doon wax ci jotay bi wess ci suñu problème mu netali lu ko waral lulul tradition oral bi nga xamantene kenn du bind té nit ñi woruñu mëno su ko diko ci kenn lula way wax mën nga ci def point d'interrogation manam sikha amatu wakay bay ah dama wata wala légui nak le fait que affaire yi nekk ci téré motax affaire bi sauvé wu xam xam bi sauvé wu buñu amé ay ordinateur dañ koy duggal ci ordinateur yi buñu amé ay iPhone dañ koy def ci iPhone yi bu ñu amé tablette def ko ci tablette voilà exactement bu ñu amé ay mp3 ci mp3 ay lañ koy def donc l'outil importe peu l'essentiel moy moyen bi nan lay def ba li nga xamné mom la xam nan lay def ba transmettre ko kenen li moy sama objectif bu d'accord ah oui donc l'idée de dire que jang ci allo mo upp l'air mo ah mais lolu mais lolu lolu et d'ailleurs la réalité day montrer na affaire bobu existéul aw mais réalité mo la koy wat yow tay bu fegé né nit ki il est dafa nek ci place bo xamantene c'est éclairé éclairé wona bu baax té ordinateur di mën di doxantok mom fu né tablette di mën di doxantok mom fu né di mën di lire bu nek ci métro bi nek ci kibi et cetera kokou limi chance bi mi am pour japp té di jël ci hein di mën di def affaire ci mp3 di ko déglu ak yoy non lolu mo gëna yom mo gër wala nga ngani fokk ma dem ci ben daara bo xamne damay tok ci souf ci serigne bay wax may deglu nak après suma paré dem mais kok mën nako faté légui le fait que ma enregistrer ko téé ko moko deglu suma ko faté ma deglu wat ko lolou mo gën wala mo gën non voilà donc xam nga manam hein non mais ça va alors seigne alhamdoulillah waaw nak ci non l'outil importe peu borom xam xam yi rahmatullah li motax ñen ñi di am jangale ñen ñi doon la doon bind ñi ci def di boole jangale bekk bind bi ba pare nak boole tout ay talibé yo xamné ni voilà après dañuy transmettre voilà c'est à dire que dafa am ay téggini xam xam téggini jangale téggini ki tay subhanallah rabbi dama doon réfléchir bu baax ci nan lañu def ak fan lañu jaar bu mouride gën ñu farlu nan lañ def ba légui xam xam bi buñu xolé avec objectivité un l'œil objectif xam xam bi en tant que tel sans parti pris ci tidiane ñom ak yitté alhamdullilah ay tidiane lañ mais bon il faut être objectif quoi voilà mouride ñom légui ñu ñuy dépasser bu baax manam avant ñoo nekkor suñu ginnaw ñu nar wa tidiane yi xam nga ñoo gaay dañu jël wu way tidiane ñom dañu japp lu ñoo fi upp xam xam way tidiane day gis lopp mais légui force est de reconnaître que ñom nit ñi rombu nit ñi égalé ba nit ñi rombu ñun on va être bientôt à la ramasse si on l'est déjà voilà si on l'est déjà ah oui parce que ñom xolal amna ay affaire yo xam tane ñom dañuy am ay outils dañ investir ci affaire yi très performant daro école performant lañ commencé défar hein outils même application yi sur le web site internet yi avec le instrument yi ak ki et cetera ak niñ ko dispatcher niñ koy tassaré ni muy hein ni mu nekké nonou nga gis légui population mouride bi da ngay gis bo comparer il y a 10 ans ak tay wala il y a 5 ans ak tay mais da ngay gis une grande différence niñu gëné xër ci xam xam niñ ci gëné yitté wo niñ ci gëna démé ak ni nga xamantene non lañu commencé xamé li wër ak li wërul ak ni nga xamantene non lañu commencé légui téré tassaro gi mu tassaro ak yor giñ ko yor séni loxo ba paré yor ko ci mbol outil yuñ mëna am par rapport ak ñun mais y a pas photo faut dire la vérité lu dëgg lan moko waral bo xolé il y a le fait que ñu am esprit de dépassement bañ fé nek rek nan waw xam nga tak tak ya ak alloué yeek yoy non tous ces histoires de num tudati de kaw kaw la il le laisse là-bas maintenant ñom voilà vivre avec leur époque c'est ça il faut vivre avec ton époque as-soufi ibn zamanihi dañ koy wax wala al-alim ibn zamanihi soufi deug ni lu tasawuf wala borom xam xam doomu jamonom la d'abord xam société bu muy dund lan la laaj ah oui ci ban façon société lay dund voilà ak nan la wara def objectif bo beug atteindre mu atteindre kon lay jaar c'est comme ça mu xol moyen bu gina gaaw ak outil bu gina performant voilà utiliser ko pour am atteindre objectif exactement légui so xolé manam mais nit ñu ñu rawé ci côté bobu mais dafa yémé mais may réfléchir ci lan mo wara nek cause bi réellement quoi comment ça se fait mais comment ça se fait mais buma xolaté deug dafa melné cause bi dafa yagg ça ne date pas d'aujourd'hui cause bi déjà dafa déparé ci façon yaran bi manam min ñu yara bo bokul mouride dañ leena yar ci am worba ci am téguine ak yar ya nga dégg aka nango ligéy ngir sëriñ bi aka nango joxé ak di dépenser sa temps ak def sacrifice pour mbir yi avancer madama affaireu sëriñ bi la ñun nak côté bobu mom dañ ci am laxisme bu mak le dépassement de soi ñun mom non ñun mom laxisme bu maga mak lañ ci am mo ñu dal parce que ah oui ñun dañ ñoy yaré ci oui bon tu sais sëriñ bi bu togué ci ko bé togal ci kaw ko moma ñun ci non lañ ñu yaré ah oui voilà oui bon fi voilà ken momul ken xam nga ken momul ken yalla mom ñep mais façon biñ koy waxé moy voilà de toute façon ñep ayam voilà manam gëno moy voilà bon voilà amul et en plus am laxisme bu mag ci le fait que ñu wara yar nit ñi ci di joxé parce que l'islam dafa yar nit ñi ci joxé anfiqu mimma razaqnakum de la dépenser ci li ñu leen wërsegal ah oui wajahidu de la jihad bi amwalikum d'abord sen alal wa anfusukum ak sen bakkan sen temps sen bakkan na ngeen ko nak mëna joxé ci l'islam ñom dañ leena yar ci lolu ñun yaru ñu ci lolu benen bi moy le fait que ñom ñu yar leen ci lo xamanteni manam madame mbiru serign bi la ni ñepp and ni ñepp investiru ñun dañ ñoo yaré ci kenn ku ci nek bon voilà si j'ai le temps j'ai le temps si j'ai pas le temps voilà quoi je m'en fous ça va yone ko ci bon écoutez voilà on a d'autres chats à fouetter jaxna ku nek dem say affaire donc mbir mi yépp pour yow señ bi ci éducation bi la ben rapport lañu wara am entre ñun ak suñu kilifa moy suñu sëriñ waaw ak tamit ban manam ñun mbir mi lan lañu wara jaral maintenant nak attention lool seul pas ci affaireu señ bi kessé mais ci l'islam de manière générale d'abord da señ bi problème bi nga solo lu non problème bu mag la mais tay mbir mi doy war na tellement té liñu ñëk sétlu liñu ñëk yému moy heure bo xolé suñu mbokk mouride ñom Serigne Touba mom rek moy sen serigne radiyallahu anhu ci seen mbir yépp Serigne Touba ngay dégg waaw ñun Tidiane nak suñu bir voilà au lieu ñu jël Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu def ko vraiment moy serigne bi fi nekk té képp ko am lèr wala képp ko am ki Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu mais au lieu ñu def ko ko gis japp na né serigne ñom tay mo xol bu wa non ba pare serignum la wara top serignum la wara manam pour ñom dañu wara défar pour serign bi manam serign diw ñun wa attiwawan ñun wa kawlak ñun wa cenaba ñun wa nangam ñun wa medina gunas voilà yalla nañu yalla sammi amin ya rabbi ala kulli hal liñ ci djublu won moy moyen yi nga xamantene mom nga am utiliser ko pour l'islam bi avance moyen yi nga am utiliser ko pour l'islam bi avancer et puis il faut se rendre compte d'une réalité bo xamantene bu ci kenn bu ko kenn perdre de vue moy fi bo xolé deug ndekete boy xaar kenn do def dara non wa il ne faut compter sur personne que sur soi-même. Voilà. Que sur soi-même. Yow rek sa bop rek contel ci sa bop. Kessé bu konté ci kenen. Ñaan Yalla mu jappalé la. Wa okay. Parce que ñiñ na ñi warona taxaw mbir mi. Bon entre guillemets parce que du ñepp ci wara taxaw. Mais ñiko war manam ñi nga xamné mom lañ doon gëna yaakar né ñom dañ ci gëna taxaw. Ñoñu ci seen bop ñom la seen yoon nekkul ci bir mi seen yoon nekkul ci bir mi attention té lool moy deug té ku gis ni ñi réagir da nga ko xam di nga xam né seen yoon nekkul ci bir mi seen yoon ñom seen yoon nekkul ci seen yoon nekkul ci donc bu kenn xaar kenn après nak ñu warmal leen comme ñoo nek ci kaw hein di chapoter mbir dañ leen warmal mais bu kenn xaar kenn de ku nek li nga mën ku nek defal li nga mën te dem sa yoon jeex na nañu Yalla jappale amin de nga na war da waaw Yalla ñu Yalla sax amin kon mom ci serigne bi nga nekkon waaw waaw kon mom cheikhul islam mom ci ñooñu la bok dana jotta fekk jotay zikari hmm taxaw ci zikar am pecc mi manam moy liñ doon wax demb d'accord ak samaa gi manam seigne bi waaw son yi cheikhul izzuddin waaw ibn salam ibn abd salam ñan ñoy talibem parce que lolu dama la ko faté la sank waaw non xawma ay turu talibem yo xamantene manam mën na ni diiw la mais xamna ni ay talibem ñom transmettre nañ xam xam bi comme ñu déme né ay ñom nawawi et cetera ak ñeneen d'accord voilà manam ñom ay talibem nek voilà première génération talibem voilà voilà wa ñu mëna voilà mais en tout cas biñu après wa mëna nek mëna par contre bu ma ci défé recherche rek mëna la ko wax né la diiw la né la diiw ci la bok et cetera loolu da ko mëna mais ni mënuma ko xawmu inshallah wa deng manam mu ne kon qala kon mom ci ñooñu la bok mu la xala cheikh waxna serigne bi al fadil bu bari ba ngeenel borom ngeenel lu reey li al kamil ki mat sekk ki yusuf al ajami la jim amna jim ci digeunte bi fi risalati ci risalam bi mu def fi fasli manam ci ben epitre bu mu def bin wa opteri su ndaw fi fasli ci dok manam chapitre bi nga xamne mom la dem ci adab zikri tegni sikari muna adab zikri tegni sikari 17 fuk ak jurom ñaar la suma top badal kul yoy dina ci ñew nak inshallah fuk ak jurom ñaar yoy dina ci ñew ci buntu bu mu def ci adab zikri moy wa moy premier chapitre bi nek ci deuxième tombe inshallah ci wala d'accord muna sayyid hajj malik indi nako ci fakay tul trap wa parce que serigne hadji man la dan fatatu lab chapitre yu ci bari rimakh la rek le résumé d'accord dafa résumé rimakh rek d'accord voilà deng na suma top ba'dul kul ginaaw lepp nak qala mu dan wax ni wa hadhihi al-adabi man ginaaw bi limé 17 yep muna wa hadhihi al-adabi la tagin tas'abu dana manam jafeñ alal mubtadi ci aji tambali gi manam kon kuy doga tambali mom day jafé pour mu respecté ko wata sal way dana yomb ala khairihi ci kenn kudul ki doga tambali wa kullu hatta tegin yep inma li ambades moy talzamu dana takko az-zakiru aj zikr iza kana ndem nek na wa'iyan manam alif amna alif wa'iyan di aj tak fi aqlihi ci xelam manam bu fekete ne dafa meuna yewu manam xamna yewu na dal meuna ragne wa muxtaran mbirum nek aji ba pare mbirum nek aji tan fi zikrihi ci sikaram amma ndal iza ghaba bu fekenteene dafa fadu nak anaqlihi wolif xelam fal ghaibati ñeel nak fadu nak manam fadu xel ahkamun ay atte yo xam yudrukha mo xab dab nako japp nako xam nako yit nako sahibuha boromam awlam yudrukha wala bok yeguko yaa ngi deug wasuliba te ñu rekki ko ci mom ñu rekki ko wala rekkef nako ikhtiyara zikri tanefu zikar fala haja haraja am deet choono amul ben dara aw daan buñu tek ala zakri ci aji sikar gi madama feek mom huwa mom madama feek dal huwa mom feek mi ngi sax huwa mom maslubul ikhtiyar di kuñu rekki aw tanef manam moy nit ki condition yi manam liñ nane 17 ku teggini yep lolou moy ki nga xamantene dafa nek ak xelam manam am lucidité ba para di meuna am choix di tan ci zikar ni mi zikare mu am choix mais ki nga xamantene dafa faddu xel mi dafa fad dañu dem ba am zikar bi da ko japp mu faddu xelam ba mu faddu ak xelam nga xamantene amatul lu muy tan koku mo xam koku dafa fay atté yu nekk ci mom mo xam yegg nako yegg na ni fim toll nekkatul il n'est plus lui-même il n'est plus lucide voilà amatul lucidité voilà xam nga ndax yegg na lool wala yegatu ko mais da lu meunti xew bokutul atté ak ki nga xam tane dafa lucide d'accord yaa ngi dem ndax dañ ko dañu rocc ci mom ak tan manam choix le fait que muy meuna choisir ni muy doxale ak ni muy waxe ak ni muy prononcer baat ak yu mel non yekiti lañ choix bobu ci mom ndax yeg yegum dafa kawé deng koku nga xamne dañ ko rek nak muna yastamilu daf koy jëfëndiko kayfa sha'a nuko sobe ala anwa'in ci ay xéet bo xamne mukhtalifatun yutul kulaha lepp mahmudatun ñu ñu gërum la manam zikari mi zikar ci ciosan moy waxon nañ lako moy allah moy ciosan zikar la ilaha illa allah wala allah allah deng kon ala anan tay xet yo mukhtalifat yu wute kula yoy xet yep mahmudatu ñu gërem yu gërem la yu ñu gërem la wa sahibata borom mashkurun ku ñu gërem la manam ku ñu sante la mahmudatu ku ñu sante la manam ku ñu sante la wa sahiba borom mashkurun ku ñu gërem la alayha ci mom fala ndax ñeel nako yoy yep kula yep xet asrarun ay mbot ay secret façon zikr yoy yep manam nga xam da dafa dem ba affaire yu noto mu am nak legui manam legui zikar bi ci bopam wala li rot li daanu ci mom ci leer wala yim manam legui dañ ko moko legui nak mom mokoy utiliser mom lay day melni robot rek bu affaire yoy di utiliser diko def lolou muy def muy wax donc yoy yep façon yoy yep yu ñu gëreum la contact yoy yep ba par dañ ko ci sante ndax doxalin bobu moy li war na baye bopum ak lolu ndax ay secret dañu nek ci bir benga farubama leg leg bari wa na lo xamantene wala leg leg yajiri dana daw ala lisani ci laminam Allah moy Allah imam ash-shibli radiyallahu anhu neena dañ ma tek tal ndey sa dafa am ben ndaw suma rombo non tukki morom ndaw si maniko fo jugge muné huwa fo jëm huwa lan nga bëgg ci loy lan moy sa yéene ci bi nga jugge ci huwa di dem ci huwa muneko huwa xam nga muneko man munuma wax lulul huwa muneko xana huwa bobu moy allah ndaw si xaju xam daanu de ndax jeex gi mu jeex ci yalla Allahu akbar mune yi ci xaar ma ñu top ko neena ma degg baat bu na ma ya shibli ki dafa jeex ci ñun leppum ñun ci ñun lako boole won bayyi ñun ñu topato ko sunu bop bima tourner pour xol baat bobu fu mu joge gisatuma ndaw ci gisatuma xawma ba xam dafa suulu xawma ba xam dañ ko yekiti yop xawma dara gisatuma ko dara Allah dafa jeex kon mo musafa dafa fanaaw wa okay Allah ah voilà motax magay gep ak magay moy nga jeex ci Allah motax zikr hadara jumaa gis na Allah gis nga manam nak nit ki mën nay dem ba nga xamne comme la ilaha illallah wala Allah mu yag wala bok ngay tuddu tuddu zikr huwa dañ koy zikr mom kesse huwa tuddu yalla bu mak la ah oui waaw day jox ak zatul muqaddasa jëm ju sel ñi nga xamantene ci ciosan avant hadratul uluhiyya gi mais zat hadratul zat ci zat jëm ju fof nga xamantene amul tour amul melo amul dara yalla ni mu nekk rek bi zatihi ci nekk nekkam sans tour yi sans melo yi sans jëf yi musafa gaay dañu réré huwa way bokk ci tour makki wo moy bi gëna kawé motax qul huwallahu ahad gis nga dafa def en crescendo manam wala top mbi huwa d'abord huwa bo boko xamul ñu dog la jangal ne moy allah nga yegg rogo yegg ci niveau soko xamul nga dem ci benen niveau bi ahad so farul nga dem ci samat so pare nga doga dem ci so xamul lool batay ñu nga dem ci lam yelit wala yelat so fa xamul lool nga dem ci wala nek lu ko fa ahad ay niveau la d'accord huwa huwa dar gis na ne ke bir mi deug ma fa tol de tout yar waaw bir mi deug dal wut ma xama tol yo bu ko wut lepp objectif bi lepp moy de tout yar fa tol akay Allah da do bari jege sa xol rek diko wax sa xol diko wax legi so sene sa xol daf koy wax dotu arrêté di wax Allah sa xol dotu arrêté diko wax Allah legi nak da nga dugg nak ci hadara bo xamantene ah mo ta hadara ñu nak hadara mo teewal yalla Allah ndax yalla rek ka fi nak Allah da ngay dindi lepp loolu mom xana mo fi ne ndax fofu ci hadara yalla ba buñ fa tuddu kenn kudul yalla te kenn du fa dugg kudul Allah te sa xol du dara loolu neegum xana bude ubbi nga ko pour mom kess muy tuddu Allah mo kess yalla jaxna Allah xamna doto gisati dara so gisee mom nga gis mom yalla so degge mom ngay deg so waxe motax te mom ngay wax ay birum so xalaté ci ay mbirum la lo def rek legui yalla Allah moy sa def sa lepp tourne autour de Allah yalla nañu yalla dafa lo amin deng kon huwa wala aw wala bok la la la la la la la la la la la manam la ilaha illallah bi nga wax dem ba nga xamantene nit ki dafa jek jek rek am xal bu ko dugg rek mu perte connaissance manam conscience am gennu mu gennu genn ci lucidité wax la la la la la la la la la la ci bir la ilaha illallah bobu mu don zikar mu dem ba meunatul wax yi ci dess ci la bi lay yam ndax dafa perte lucidité ci zikar bi la la de nga awola bok a bil maddi moy ci xecc ag aw a moy alif gogo alif allah allah alif allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah ci téléphone bi waaw ngi dégg waaw mu djoum voilà vu que li ñi gissé peut-être dem da may jawalé yéné voilà voilà non seigne bi gissone nañ ko fi waaw gissone nañ ko gissone nañ ko ba ma lu wax la ko gané ma moy waaw buñu gën buñu gané ma tour bu gëna mag bi wala wala wala bo bu gay xam deug deug essence tour da ngay jël alif ci arab bu ñëk bi ak arab waaw mané la gané ma waaw ok voilà waaw gissone nañ ko ci début chapitre 20 bi 24 waaw bi bi avant bi voilà waaw wala kon deng aw wala bok d'accord donc yépp nit mëna dem ba perte conscience ba perte lucidité nek ci état bi di wax li waaw donc bu nek ci état bi bu ko tenir rigueur waaw kay xam nga so xol gis nga alif ak ha ñoy xaraf yi gëna tedd ci xaraf yi ci luñu jëyal alif moy bi gëna tedd ha moy sen sank bis bi gën ci bisi mo aju altine mo sang bisi harf yi gën ci harfi moy alif moy adamay harfi 100 borom xono tara limu jëk bind moy an nuqtatul asliya nuqta ben tombu la ni tombu leer ko haqqat muhammad yi nim nek ci ad-durratul bayda nek leer gi xamne moy noyo haqqatul muhammad yi sirru bobu nak nga xamne moy sirrul wujudi moy ruhul wujudi di sirru zati di haqqatul muhammad yi nga xamne bo xole côté wu ni mu nekké non mindeef la ndax dafa genn xam xam borom santara mu créé ko so xolé benen côté du mindeef ndax yalla ci bopam manam secret bi koy dawal nek loko moy yalla comme bo jëlé glace bi soko xolé ni mu nekké ni solide la mais bo xolé secret bi li né en réalité melul won ni mais ndox la bu congelé wu da nga nan ndox la soko bayé ci nadj bi mu sey ndox ngay gis mu raw mais ni mu nekké ni minde manam solide la les solidifier solide la mais en réalité bo xamné ndox la ci côté bobu manam haqqatul muhammadiyya non la mel so xolé côté sirru bi yalla la melo la ci yalla so xolé le fait que mu nek né jëm la mindeef la sallallahu alaihi wasallam sallallahu té lepp li nga xamné mo débordé ci mom génné ci mom moy mindé fi motax ñom ñepp am nañu parti yalla ci seen biir manam moy lan moy secret yalla dafa nek ci seen biir mais sinon ay mindé fi bokku ñak yalla dara secret yalla rek dafa nek ci seen biir secret bobu rek moy yentibi sallallahu alayhi wasallam di leeru sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam motax lepp ma fil bariyati man lam tasqihi karaman min nurihi rabbana yalla yalla amul ci mindé fi ludul ne nandal nga ko yow yalla ci leeru sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam moy nuril akwanil mutakawinatil adam yi sahibi haqqi rabbani ak moy leer gi nga xamantene mom la yalla nekkal mom mo nekkal bolé minde fi di kojuk mam adam ndax dafa taxaw taxawami mam adam alayhi salam di ciosanam ba pare nek dom leer kon ciosan gi no man nokta la tombe la point tombe sama borom subhanahu wa ta'ala bi manifesté wo ci mom tombe bobu mu am ben hayba hayba moy charisme ak teyu gu ri gu mu am par rapport ak mom am kon feñe ci mom feñu ko mu dadi rogalat tombe bobu rogalat tay manam ngir manifesté wu yalla manifesté wu ci mom mu dadi am rogalat manam mu dadi yëngatu ni mu yëngato non rogalat tombe bi yalla sak voilà bu mu rendre compte puissance borom voilà mu ragal ti voilà non pas ti mais dafa yëngatu yëngatu voilà dal déformé wu ci le rogalat bi mu rogalat dafa juggé ci kaw di wacc mom moy alif taxaw taxaway do manam mom adama motax bu ñëkk bi mom moy haqqatul ahmadiyya ci côté sayyidna yannabi sallallahu alayhi wasallam en tant que imam ahmad moy sayyidna ahmad bokku ghaibu la mais ni mu rogalaté taxaw atul muhammadiyya la yor forme sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam comme ni mu nekké won ci kaw suuf sallallahu alayhi wasallam ni mu mel ni haqqatul muhammadiyya non la mel haqiqatan leer la go xamné non la mel té ci lepp ci mom la jogé moy ciosan mbir mi mais dafa taxaw comme mom adam nim taxawé sallallahu nek ab alif ni nit ni mu taxaw comme adif mbolam tour yalla yi melo yef ci ñoom loolu la duggé alif bobu mom mo taxaw nga xamné lepp moko symboliser mom mo tok bi mo tok robarat def tombe ba bi mbolam alif mo ciosanu mbolam xaraf yi motax xaraf yi ci seen bop ñoom ci seen bop ay lan lañ ay umma la communauté ni ñom ñoy communauté bi gëna reuy ci communauté yi monde la bu reuy bu graw ci bir lool nak xaraf bi gën ci xaraf yi moy kon alif mais sango xaraf yi moy ha motax nit bu démé ba yegg ci yalla deug jeex tak ci yalla gis nga xol ak kuntu samaa hu may nek ak nopam may nek ak gisam hu lepp ci hu lay def et puis yalla la fekk ha hu ci ha gogu la joge ha gi moy déterminer ni nekku fi ghaibiyya manam martaba ghaibiyya bu ñëkk ba ta ciosan encore lay delu san biso ha dafa fermé dafa teddi alif nak moy sen ciosan ci la ñepp juddo comme ni mam adama nit ñepp ci nomu lañ juddo motax ñu xam nit ni mo xam nit ni genné ci mom comme tok bobu ni mu nekk ciosan ci haqqam muhammadiyya nekkon haqqatul ahmadiyya mam taxaw non non la tamit alif bi manam mam adama alayhi assalam ni alif kon alif bu nekké nek alif yaronte bi sallallahu alayhi non la nekké secret mam adama alayhi assalam nek xeybu mom tamit ci jamono joj hein mo adama taxaw ñew nek ci ñew minde fi yeb juddo ci mom comme ni xaraf yeb juddo ci alif hamza bi moy sen xawa gis nga alif da nga gis hamza moy xawa wu alif xaraf yeb ñom ñep ci ñoon lañ juddo aduna bu graw la fofu tamit ha nit ki soobe fatu ñu lay ñëk gis da koy découvrir haqq bobu day gis univers bi taxawé ci jëmum mom en tant que gis nga mam adama yenenbi sallam forme adamique bi mu yoron mom ci bopam ni mu taxawé non univers bi taxaw ci biram lolou lay jëk découvrir yaram dugg ci ben aduna bu yaak té aduna bobu moy yaramum ci bopam ruham dugg ci addu gatt comme niñ ko doon waxé rek ni dañ ko teunk voilà wa ci bopam ok té xamul mom té xamul moy kan waxon nga ko fi dé voilà ni dañ ko teunk ci bopam té xamul moy kan voilà té wu démé nak ba ray bakanam voilà day duggat ci bopam nak ok xam nak secret bi yalla def exactement taxaway bu voilà le seul fait que mu duggat ci fofu Yalla aw takhbitin wala moy yekk rek nonou rek deng moy comme wala ci bir zikal wala wala fa adabuhu tegnam fi zalika alwaqti ci gogol ak waqtu an yu sallim moy mu djebul rek nafsuho bokkanam li waridihi ñeel la rot ci mom yatasarrafu bu ko defee lola rot ci mom xal gogu duggu ko yatasarrafu li hein yatasarrafu muy soppaniku fi ci jëm mom kay fe sha lu ko sobe xalam bokku diko soppaniku mu ko sobe bu mu ko xagn dara mu manifesté wa rek wa na ba lol moy tegginam bu boba xam nga 17 teggine ñi wax yoy moy soli andé sa lucidité surul lool li rop ci sa xal gi leer gi la dugg bayiko mom muy réagir ci yow num ko sowé moy xal bi il faut que tu le laisses te guider voilà na la guider voilà ci vraiment ni ngay voilà lool moy téggine bi boba li anna dhakir ndax ajisi kaji iza nawa bu fekete ne yenen azkira zikr bi qalbi ci xolam wakta daate mu tambale bi lisan ci laminam bi lafzi ci kaddu la ilaha illa allah suma top nak salaba suliba han ñu rocc ko ikhtiyaru ak tanne fam fi til ken yett ci bobu li yene fofu koku zakirun aji tuddu lillahi nel bur yalla taala aji ka wajala ay halim ci bepp xal kana bu mu nekk mi ngi tuddu yalla au début yene mo nekkon mu nan la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ها حال بدوكو مجيك جيك رك حال بدوكو حال بيمكو دوكو نك نيغي مو يام تي رك الله الله ولا بوك مو ديم با تي بير الله الله تي بير الله ولا افير بدوكو نك مو يام تي هو هو هو ولا ولا لا لا لا لا لا ولا wala wala wala ha wala bok lu meunti don rek comme yene ci sam bi lol la te mbir mi ci yene ila aju wallahi kon nak li an nakh al manzur lañi xol ilayhi jëm ci mom huwal qalb moy xolam won niyetu ak yene yalla lol lay xol ci nit kama qala kem ni nga xamantene non la ko waxe won annabi yenenbi sallallahu alaihi wasallam bi nan inna allaha yur bor moy bur yalla la yanzur du khol ila suwarikum khol suwarakum ci ila suwarikum ci sen jëm ci sen jëm yi wala ila wala du ciagne ila amalukum ci jëm sen jëf yi bal fi nek yanzur day khol ila qulubikum sen khol won niyat kom ci yene yi wala yalla khol wa qala tahna alayhi salam yantib sallallahu alayhi wa sallam inma la yam bismi allah a'malu jafi bin niyyati ci yene la djox djoxna wa qala waxna ta'ala djikaji lan yanala du joti allah bur yalla luhuma ndawal la wala dima wadu tiagen luhumha ndawalam ndawal ya wala dima wadu tiagen deret ja bo la deren taw xarum tubaski yalla du yap bi ngeen koy jox du lolou moy jotté yalla du deret di ngeen di tour moy jotté yalla walakin wayana luha danako yanaluhu danako jotté mom yalla at taqwa ragal yalla gi nga xamantene mo len bumax ba ngeen def lolou min ko bi tukki ci yeen ragal yalla gi rek la yalla soxla ci yeen di len yobbu ci ngeen rend sen xarum tubaski mais pa yap be deret de ce qui fait que yalla mom subhanahu wa ta'ala lien bi entre mom ak jambi lay wut voilà moy lien de servitude bi am entre exactement mom ak jambi. Exactement yow nga xamné né yow jam nga fi nga nek que yalla mom moy sa borom ok lien bobu da nga samanté ak mom né yalla man jam la li nga dogal sama kaw li lay def yow yaay sama bu ok té li nga wax man ya ma tax yengu ya ma tax lool la ci comprendre voilà ya ma tax dox ya may yengulo ya may deflo ya may waxlo yow lay gis ci lepp yow lay deg ci lepp yaay secret sama lepp la fuma joge ci yow lay joge te ci yow la jëm a réalité awuma direction awuma dara yow la ci maangi ci sa biir jëm ci ci yow joge ci yow ngir yow Yaay sama lepp di jaaré ci yow lepp yow mo Allah wa taqwa ti ragal yalla la takunu du nek illa bil qalbi nudul ci xol won niyet ak yene wal aslu te ciosan bi manam debi nit ki bi mi ciosano tambalé ci kat munaqid mbir mi fasu won na ala niyet ci yene wa kadhalika niki nonu tamit ba'da sukuni ginnaw daluk waridu la rotti ñu mom xal gogu yakunu dana nek fi tasnimihi ci jebelum gi bi sukuni ci dal wa sukuti ak nopi mastata lu mu man mutalaqiyan mbirum nek aji mutalaqiyan mbirum nek sako dajje di jele li waridihi ñeel loola rot ci mom bat ay dan batay manam moy loolu xal gog bu deme ba dal na nek na tok womatu ni muy womato nak ci loolu xal gog tamit moy mu dal nopi di xaar lu mu man rek ci jamono ngir di teru ngir meuna teru wat wa kay li nga xamne moy warit bobu lolou jugge ci zikar bobu dafa am leneen lu muy indi ci xal ak ci jikko ak wala ci njariñ parce que leg leg zikar nit ki bu ko defé paré motax fi mu togué non di zikar lotax ñu bëgg ngay tok continuer fi nga nek moy dafa am ce zikar bi dafa am lèr bu muy dégager di ko yëkëti lèr gogou day am produit bu muy lay rendre bu muy rendre ki fi nga tok don ci kar fa la lay fek bo toge nopi tok nopi dal mbir bi bu ñewé day dal sa kaw duggal bu duggé ci yow ça dépend ci jamono jox leg leg mu ñew rek indi fatu leg leg mu ñew indi xam xam manam nit ki am facilité ci xam xam à travers lolu leg leg mu ñew indi selal ikhlas nit ki legui numuy defati rek yalla tax leg leg mu ñew indi ak tabé leg leg mu ñew indi yitté gu ruy ci walu yalla maam leg leg da lu ñew motax zikar fi nga togué zikar sa wirdu boko defé da ngay tok nopi xaa nit ku zikar ba para jog dem bu waru bi ñewé li jogé ñu résultat bu ñew bu dalé bu dalé ci kaw nit ki manam bu ñëwé day place bobu xamuñu lu bu juggé dem bu ñëwé du ko fekk donc ce qui fait que bu ñëriñu ci kër bi daf koy perdre voilà non du perdre lepp mais dina am lu mu ci perdre une partie non ci kër voilà motax bo zikarafa da ngay tok touti fi nga nek bokku na ci teggine waaw moy da ngay tok touti fi nga nek motax tay bu fekente nit da nga tok gis ben way zikar mu pare rek jog dem demal nga tok rek mom fi mu togon hmm parce que affaire bu ñewé légui yow la nga fek Allahu akbar seen bi gis na nek dal affaire bi vraiment nekul ci ki de ci detail yi la ci teggini ci teggini la ci yoonu nitu yalla yi lepp ci teggini la tabax lepp ci teggini lañ ko tabax bo mu teggini do dem fen waaw ko amul teggini mom do dem yep ay teggini do teggini nak teki wul comme niñ ko wax du luy wolof di wax nan moy da ngay nopi di masla comme niñ ko wax way no garawul de ki yoyu no teggini no teggini du lol de teggine ay règle la yu ñu teural yu leer yo xamantene yoy nga wara suivre ci chapitre yu ay liko dalé 13 ba 25 ba 23 13 ba 23 surtout liko dalé ci 16 17 18 19 yoy par rapport nit ni mi doxale ak serigne mak yoy gisoon nañ ko waa legui xam waawa ñu daanel ki bi suma qala top mu wax baada zalika ginaaw lolu mom cheikh yusuf al ajami mune ya tarada garal na baadul fudala len ci borom geneel yi ala zikri ci di sikar bil jaari ci di biral mustadillan biram nek aji sukandiko bi qawli di tektalo bi qawli ci waxam bi mom bur yalla taala di ka di wazkur rabbaka tudon sa borom fi nafsika ci sa bakka manam ci sa bir ta daru an sa mbirum nek aji torox lu waxifetan ak andak ragal wala bok aku neub manam wala manam wacc sa badal ak wacc sa bad wa qawlu wa waxam bi yantubi sallallahu alayhi wasallam khairul zikri gandi zikr ma khafi moy li ñu neub yoyu lolu tontu bi nga xamantene mom lañ ci tontu koku da nañ ci ñew inshallah ci jotaay bi di ñew cependant fi dafa am lu am solo lu mu leral ci masala bi wess bo xamantene mënu ñoo te jotaay bi te waxu ñuko moy buñu xolé kon ki nga xamantene moy jog di taxaw di ki di yoyu moy kin andatul ak xelam pa comme ni ciocio sa nak ayo gaay nañ tambalé ci ka rek commencé dir manam il faut ngeen dem manam il faut nga dem ba xal bi dugula d'accord mais du ciocio sa rek ngay né dedet non lool waxuñu ko parce que ciosan bi du lool ciosan bi moy lan la ilaha illallah wala allah baxna waaw mom kay li mu wax fi amna solo lol parce que man en tout cas señ bi ci li nga wax en tout cas man ci li nga japp moy mom day wax nit ki bu nekké day sécurité andultul ak sago waaw kay li muy wax muna nek muna nek huu muna nek lenen muna nek bul ko ko jappé voilà té jappal la nek le fait que mu nek ci xal motax mu nek ci lolu té nonu la gëné ci deugal né nek le fait que mu nek ci xal bo na top liko xalam di indi exactement def ko voilà mais dans le cas contraire dafa am ay téggine yu ñu wara remplir téggine yoy ñom dinañ ci ñew inshallah 17 la yo xamantene dinañ ci ñew inshallah ci chapitre bi ñëk ci chapitre ci tom ci ñaaral tom inshallah inshallah mais waxul en aucune façon voilà que nit ki buy sikar dafa recommencer di wax yi ay nañ ha dedet bon alhamdulillah wallahi alhamdu wal minna wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin